Est-ce que le kufr est du shirk? Certains imams de l'islam considèrent que toute mécréance est du shirk et que tout shirk est une mécréance. C'est l'avis de l'imam Shafi'i, d'Ibn Hazm et d'autres. Ibn Hazm a dit, Abu Muhammad Ibn Hazm dit, les gens ont divergé au sujet de la mécréance et du polythéisme. Un groupe a dit que ce sont deux noms qui désignent deux sens différents et que tout polythéisme est mécréance, mais toute mécréance n'est pas polythéisme. Et ceux-là disent que le polythéisme ne se trouve que dans les propos attribuant à Allah un associé. Et ceux-là disent que les juifs et les chrétiens sont des mécréants et non des polythéistes. Quant au reste des religions, ils sont tous mécréants polythéistes. Et ceci est l'avis d'Abu Hanifa et d'autres. Un autre groupe est plutôt d'avis que la mécréance et le polythéisme sont une seule et même chose, et que tout mécréant est polythéiste, et que tout polythéiste est mécréant. Et ceci est l'avis de Shafi'i et d'autres. Comment expliquer cela? N'est-ce pas en contradiction avec toutes les définitions que nous avons données? Il est exact que démentir Allah, s'enorgueillir et refuser de lui obéir, douter de son message ou de s'en dédaigner sont effectivement le fruit de l'obéissance au diable qui ordonne cela. C'est ce qu'on appelle le shirk dans l'obéissance, c'est-à-dire contredire Allah ou le message du prophète consciemment. Par contre, celui qui a la foi en Allah mais ignore les lois, celui-là n'est ni mécréant ni polythéiste tant que la connaissance ne lui est pas parvenue. Ibn Taymiyyah dit ce qu'il mentionna, que les juifs ne donnent pas d'associés à Allah de la même manière que les arabes et les chrétiens, est exact. Mais malgré cela, ils n'adorent pas Allah. Au contraire, ils s'enorgueillissent face à son adoration. Et ce qu'ils adorent, c'est le diable et non Allah. Celui qui dit « les juifs adorent Allah » s'est trompé affreusement. Car celui qui adore Allah sera heureux au paradis et parmi les vertueux serviteurs d'Allah. Allah a dit, ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit. Et Al-Bukhari et Muslim rapportent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'ad au Yémen, il lui dit, tu vas rencontrer des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Et dans une version, invite-les à adorer Allah. C'est pourquoi les savants sont tous d'accord pour dire que les œuvres des juifs sont vaines. Or, s'ils adoraient Allah, leurs œuvres ne seraient pas vaines, car Allah n'est jamais injuste envers qui que ce soit. Et avant que Mohammed ne le soit envoyé, seul celui qui adorait Allah, en pratiquant ses ordres, adorait réellement Allah. Et celui qui renonce d'adorer Allah conformément à ce qu'il a adoré, mais suit ses désirs, eh bien il n'adore pas Allah, mais il adore le diable. Il adore le Tarout. Allah nous a informé que les juifs adorent le Tarout, et qu'il les a maudits, et s'est mis en colère contre eux, et a transformé certains d'entre eux en singes, en porcs, et en serviteurs du Tarout. Or le Tarout est le nom d'une espèce qui inclut Satan, les idoles, les médiums, les dinars, les dirhams, et d'autres choses encore. Allah a dit, n'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une part du livre et qui ont foi en la magie et au tarot? Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas. Ils sont plus opposés aux croyants que les chrétiens, et leur mécréance est plus sévère, et ce sont eux qui sont ceux qui encourent la colère. C'est pourquoi il est dit qu'ils seront sous les chrétiens en enfer. Et les juifs, même s'ils n'ont pas adoré le Messie, ils ont diffamé contre lui et sa mère. Et c'est une mécréance plus grave que celle des chrétiens. C'est pour ça qu'Allah a mis les chrétiens à plus haut rang que le jour du jugement. Les chrétiens sont des idolâtres, ils adorent Allah et lui donnent des associés. Alors que les juifs n'adorent pas Allah, mais ils abolissent son adoration et s'enflent d'orgueil face à elle. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil? Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres. Ils suivent donc leurs désirs et sont des adorateurs du diable. Remarque, celui qui insulte Allah ou son messager est obligatoirement mécréant, car premièrement, insulter Allah est la pire forme de mépris envers Allah et s'oppose à toute vénération de son être sanctifié. On ne peut insulter que ce qu'on méprise, or la vénération d'Allah est le cœur même de la foi. De plus, lorsqu'un homme insulte Allah, il qualifie donc Allah d'un trait propre à ce qui est méprisable et faible. Trait propre à la créature. C'est donc l'une des pires formes de shirk, car cela revient à décrire Allah comme une créature. Ibn Taymiyyah a dit « Mohammed ibn Sahnun, l'un des imams de la doctrine de Malik, à une époque proche de cette génération, a dit « Les savants sont unanimes que celui qui insulte le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, ou le rabaisse, c'est un mécréant, et la menace d'Allah se réalisera sur lui ainsi que le supplice. Quant à son verdict, d'après la communauté, c'est la mort. Et quiconque doute de sa mécréance ou de son châtiment est mécréant. » Si ceci concerne celui qui insulte le prophète, que dire de celui qui insulte Allah? La mécréance mineure. Quant à la mécréance mineure, elle englobe tous les grands péchés, comme le nota Ibn al-Qayyim. Toutes les désobéissances sont une forme de mécréance mineure, car elles sont l'opposé de la reconnaissance envers Allah, qui consiste à agir avec obéissance. La mécréance mineure n'invalide ni l'islam ni la foi, mais elle en diminue la valeur. Cheikh Abdullah Abu Boutain dit « Quant au hadith dans lequel le mot « kufr » est énoncé sans précision concernant une désobéissance, comme par exemple le hadith « combattre le croyant est un kufr » et le hadith « celui qui se coupe de sa généalogie a mécru » et les hadiths de ce genre, les savants les interprètent comme étant une expression de sévérité et à l'unanimité des sunnites. Ces péchés ne font pas sortir de l'islam. On parle donc de kufr, dona kufr, mécréance moindre. Et c'est pareil pour le terme dhulm, injuste, injustice, et fisq, perversion. On parle de dhulm, dona dhulm, et de fisq, dona fisq. Quant au hadith qui évoque que ceux qui commettent certains grands péchés n'entrent pas au paradis, ceci est aussi une expression de sévérité selon l'unanimité des sunnites qu'aucun monothéiste ne demeurera en enfer pour l'éternité, comme le prouvent les hadiths avérés du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue. Point à retenir. La mécréance punie par Allah n'existe qu'après l'avertissement. Avant cela, il n'y a ni mécréance, ni foi. Un mouchrik n'est pas forcément coupable de la mécréance punie, vu que le shirk est une chose et la mécréance en est une autre. Mais il est impossible qu'un polythéiste, un mouchrik, soit musulman. Il est possible d'être musulman lorsqu'on ignore ce qu'Allah a ordonné et interdit, à part le monothéisme et le polythéisme. Il est impossible d'être musulman lorsqu'on ignore qu'il est obligatoire d'être monothéiste et qu'il est interdit de donner un associé à Allah. La subtilité du vocabulaire de certains savants vise par le tekfir la mécréance punissable. Ainsi, il arrive à ce genre de savant de ne pas prononcer le tekfir à l'encontre d'un polythéiste tant que les preuves ne lui soient pas parvenues. Mais il ne le juge pas musulman non plus. Il est indispensable de connaître cette subtilité pour comprendre ce que veut dire ces savants.